Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Game Ozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Karine et Charlotte. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle Karine et puis tu nous as invités pour présenter un petit peu ce qu'on faisait professionnellement surtout. Donc je suis couturière depuis déjà maintenant, ça fait 10 ans que j'ai créé l'atelier de couture, l'atelier Malin, au départ qui était à mon domicile. Et puis depuis 4 ans, je me suis installée dans la ville de Remiremont, près de la gare. Et là, on vient de déménager un petit peu plus haut, au centre-ville. Et du coup, je suis maintenant avec ma collègue Charlotte et on est deux à travailler à l'atelier, près du collège du Tertre à Remiremont. Donc voilà, on est toutes les deux couturières. Et est-ce que ma présentation te convient, Charlotte, toi ? Eh bien, du coup, moi, c'est Charlotte ou By Nayot sur les réseaux. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, j'ai passé mon CAP l'année dernière de couture. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure d'être couturière depuis, du coup, cet été. Donc, c'est tout nouveau. Et donc, j'ai rencontré Karine pour parler du CAP, pour m'aider un peu. Et puis, de fil en aiguille. L'expression est bien trouvée. Maintenant, je travaille avec elle dans son nouvel atelier. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce domaine particulièrement de la couture ? Alors, moi, j'ai essayé il y a 2 ans. Et j'adore ça. Et en fait, c'est le fait que ce qu'on fait est tout de suite visible, en fait. C'est, le rendu, rendu est là. C'est tout de suite, on n'a pas à attendre. Enfin, on le voit. C'est concret. Donc, c'est concret. Ça apporte une certaine satisfaction et c'est assez gratifiant. Ah, ok. Moi, c'est le plaisir de fabriquer et de créer quelque chose du début à la fin. En fait, j'aime la partie technique. Je suis pas quelqu'un qui est passionné par la mode ou par les tendances. Ce que j'aime, c'est vraiment la fabrication, le détail, le millimètre et puis la conception, quoi. Voilà. Et quelles qualités faudrait y avoir selon vous pour exercer cette profession ? De la patience, de la dextérité, de la concentration ? Toutes. Il faut toutes les qualités et on a toutes les qualités. Et on n'a pas de défauts. On n'a que des qualités. Il faut bien sentir des fleurs de temps en temps. Il ouais. n'y a pas besoin spécialement de patience, je dirais. Il faut de l'endurance. Parce qu'on va rater, recommencer. Donc plus de l'endurance que de la patience. Et puis, quelle autre qualité, enfin, je pense plutôt que la couture, c'est beaucoup d'exigences. Donc, c'est assez punitif quand on commence. Et il faut accepter le fait qu'on va commencer par faire des trucs qui seront probablement pas réussis. Et puis après, au fur et à mesure, on apprend. C'est pour ça que je dirais que c'est plus de l'endurance. Voilà. Un peu comme la poterie. Oui, je pense. Comme un peu tout ce qui est manuel au final. Et toi, est-ce que tu as passé un diplôme pour faire ça, Karine ? Oui, moi j'ai appris de façon scolaire. J'ai commencé par faire de la comptabilité. Donc j'ai passé un diplôme de comptabilité où je me suis profondément ennuyée, mais ça allait très bien au niveau des notes. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça 40 ans dans ma vie. Alors je suis allée vers quelque chose de manuel et vraiment concret. Alors j'avais choisi plusieurs options avec une personne du CIO. Et puis j'ai trouvé une école de couture, donc je suis partie faire un brevet de technicien de styliste, vêtements sur mesure et création de façon artisanale, vraiment en respectant les règles de, on va dire, de ce qu'on imaginerait, je mets vraiment des guillemets, comme la haute couture parisienne. Donc j'ai appris un peu comme ça pendant 3 ans. Et en sortant de ce brevet, je suis allée faire un brevet de un BTS, quoi, à Épinal, où là, c'était vraiment de l'industriel, puisque je voulais voir plusieurs domaines. Et puis, j'ai donc eu mon BTS industrie, gestion des ateliers, productique, ce qu'on appelle de la productique, quoi. Donc vraiment, du technique, des maths et de la gestion. C'est du coup, voilà, c'est mon côté, la mode ne m'intéresse pas spécialement, en fait. C'est, je suis technique. Mais avant de lancer ton atelier, tu as travaillé dans une usine ou... J'ai travaillé un petit peu dans 2-3 usines du secteur. Chez Fevé à Vanier, où j'étais à la coupe. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises, mais c'était des 1 an, chose comme ça. Après, j'ai travaillé aussi en tant que responsable de magasin dans un magasin de vêtements. Et là, dernièrement, quand j'ai créé mon atelier, j'ai commencé à travailler à mi-temps à côté. Je faisais mi-temps l'atelier, mi-temps mon travail. Et donc, j'avais un petit travail alimentaire que je trouvais très sympa. J'étais chez Thirier. Franchement, c'était cool. J'étais au magasin de Gérardmer, j'aimais bien. Et puis après, l'atelier a pris de plus en plus de place. Et je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, il faut choisir, quoi. Soit l'un, soit l'autre, et plus les deux. Et donc, je me suis installée à Remiremont. J'ai acheté un local et j'ai laissé ma place chez Thirier. Voilà, donc j'ai arrêté de vendre des glaces. Est-ce que tu es autant exigeante quand tu travaillais en entreprise ou avec ta propre entreprise ? Alors là, j'en sais rien du tout. C'est particulier de voir s'évaluer là-dessus. J'en sais rien, je saurais pas dire. Faudrait demander à un ancien chef. Eh bien, elle est là. On l'a fait venir. Non, j'en sais rien. Je sais rien. Et comment ça t'est venu l'idée de lancer ta propre entreprise à toi ? Ah ben, moi j'ai toujours voulu. Je sais pas. J'ai toujours voulu faire ça. Je le savais. Pendant que je faisais mes études, j'ai toujours eu envie d'avoir mon entreprise. Voilà. Donc c'était long et j'ai pris mon temps, mais ça m'a toujours. Ouais, c'est comme ça, hein, j'en sais rien. T'as envie d'être dépendante, en fait. Je sais pas si c'est une histoire d'indépendance, c'est surtout je pense pas qu'on pouvait m'offrir le boulot que je voulais. Donc je me suis dit, il faut que je le crée. C'est plus dans le sens là que tu vois. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, je crois, l'expression. Ouais. On va parler de l'atelier Malin. Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand ça existe, l'atelier Malin ? Donc 2013, puisque j'ai fêté mes 10 ans, là, au mois de mars-avril. Et ben, j'ai commencé en donnant des cours de couture. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est partager ce que je sais faire et l'apprendre aux autres. Donc, au départ, c'était vraiment que des cours. Et puis, j'ai un copain qui m'a demandé, est-ce que tu saurais refaire l'intérieur d'un combi d'époque ? Et puis, j'ai trouvé ça sympa, j'ai un peu galéré, il fallait que je tâtonne. Je découvrais certains matériaux que je n'avais pas travaillé, que je n'avais jamais trop travaillé. Et j'ai vraiment bien aimé cette partie-là et j'ai commencé à m'équiper pour être vraiment dans le gros textile. Et bah, j'ai commencé à faire plus de communication par rapport à ça. Et ça donnait une grosse partie de mon travail, donner des cours de couture, donc à des adultes, des enfants, ou des groupes de copines qui ont envie de faire une après-midi couture, voilà. Et puis l'autre partie de mon travail, c'était donc de la rénovation, tout ce qui est tapisserie, un peu, faut pas dire tapisserie parce que c'est plus les clous, le bois, et c'est un vrai métier d'être tapissier. Donc moi, je suis vraiment la personne qui fait juste des housses pour rénover les intérieurs. Voilà, je remets du tissu, du simili, du cuir sur de la mousse, c'est déjà existante, je refais pas tout l'intérieur. Et puis ben voilà, je suis en train de me perdre, je sais plus le début de la question, mais donc voilà, oui c'est ça. J'ai commencé comme ça. Et puis petit bout par petit bout, les gens qui me connaissent m'ont commencé à m'amener des choses à réparer, des retouches. Et du coup, j'ai développé la troisième branche. Donc première les cours, deuxième la rénovation et troisième branche la réparation et retouche, qui est quelque chose qui est arrivé. et que j'ai accepté de faire, mais que j'ai pas pensé développer au départ. Voilà. Et c'est là qu'intervient Charlotte. Parce que je me suis fait déborder par l'activité. Oui, donc du coup, moi, bah, ça me permet d'apprendre tout ce qui est retouche. Et puis, moi, quand je me suis lancée pour mon entreprise, c'est pareil. À la base, je voulais chercher un mi-temps et faire mon entreprise à côté. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, le mi-temps, je l'ai trouvé dans la couture. Donc, voilà. Voilà, j'ai posté une annonce pour chercher quelqu'un pour m'aider, parce que j'étais vraiment débordée de toute cette partie retouche que j'arrivais plus à faire toute seule. Et comme Charlotte me connaissait, puisqu'elle avait pris des cours chez moi pour passer son CAP l'année dernière, elle a postulé. C'est chouette. Mais en plus d'être une profession, est-ce que c'est une passion pour vous, la couture ? Oui, oui, oui. À la base, c'est une passion et du coup, ça l'est toujours. Et... voilà, il y a ce côté, pour ma part, il y a ce côté retouche qui fait que j'acquiers de la technique, vraiment, parce que voilà, j'ai passé mon CAP, mais en fait, on apprend tous les jours. Et il y a la partie création, où quelqu'un vous demande quelque chose sur mesure ou sur demande, et que voilà, il faut y réfléchir, le créer, le penser, et puis quand on voit le résultat. Donc ça, c'est super passionnant d'avoir toute cette démarche sur une simple demande et d'arriver au bout à produire la demande, quoi. Oui, parce que toi, à la différence de moi, toi, tu as créé ta marque, on peut dire, en fait. Oui, oui. Hein, moi, je fais que de la réalisation sur commande. Et toi, tu vends des produits. Mmh. Tu développes une... Tu développes des articles. Je fais des créations, quoi. Ouais, ouais. Moi, je crée pas. Ça viendra peut-être ? Non, ça ne m'intéresse pas. Je le dis, hein, je l'ai dit dès le départ, hein, je ne suis pas passionnée par les tendances, aller chercher les nouvelles couleurs, les nouveaux tissus, ça, c'est pas je le laisse au client, j'aime bien que le client arrive avec son tissu qu'il a choisi, il a pris soin de le faire et c'est très bien. Et voilà, ça ne me branche pas, au moins je suis honnête, hein, je m'embête pas avec ça. Et du coup, maintenant, ce qui est cool, c'est que je peux les envoyer à Charlotte. Mmh. On est complémentaires, quoi. Voilà. Ouais. Alors là, je ne te prendrai pas cette partie-là. je te laisse tout. Et puis, je ne sais plus. Voilà. C'est bien. Ça reviendra après. Ça revient souvent, on m'en dit. Oui. 5 minutes après, ah oui, je voulais dire ça. Mais du coup, ça ne sert plus à rien de le dire parce qu'on ne parle plus de ça. Donc. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est que ce n'était pas important. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos créations, de vos différentes activités. On vous laisse avec Ed Sheeran et son titre Celestiane. Merci à mon merveilleux accent anglais du jour. A tout de suite sur Radio Game Ozo. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel colors in a brighter shade. Need it to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel let's make tonight go on and on and you on. You make me feel we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the stars. You make me feel. De retour sur les ondes de RGM avec Karine et Charlotte. Alors merci pour ce choix parce que j'adore Ed Sheeran. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà été voir un de ses concerts ? Oui, je suis allée le voir deux fois. C'est pour ça que j'avais choisi ça. Une fois à Paris et une fois à Lyon. Ça doit se vendre vite les billets. Ouais, ça se vend vite. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré... À Paris, c'était quand même un sacré concert. Je crois que c'est le plus beau... Le plus grand et le plus beau que j'ai vu pour l'instant, quoi. On voit que c'est beaucoup de chansons romantiques, mais je le vois pas trop en performeur, mais ce qui paraît sur scène, il donne tout, quoi. Bah, c'est ça, il est tout seul avec sa console et puis il mixe les musiques. Et malgré que, oui, il y a beaucoup de musiques qui sont lentes ou etc., non, ça envoie du lourd. On va parler maintenant de vos créations. Est-ce que vous faites des croquis avant de fabriquer des vêtements ? Oui. S'il y a un client qui vient pour quelque chose de très particulier, je fais un petit croquis, un petit dessin, quoi. Et puis après, des détails techniques et des plans. On est un peu obligé, quoi. Je peux partir aussi de quelqu'un qui vient avec un dessin. Je vais prendre un exemple. L'année dernière, j'ai eu quelqu'une qui voulait faire sa robe de mariée. Et moi, je ne fais pas ça. Je sais faire, mais je n'ai pas le temps, donc je ne fais pas de vêtements sur mesure. Du coup, elle a pris des cours toute l'année et elle s'est fait sa robe de mariée. Eh bien, elle est venue avec le dessin qu'elle avait fait au crayon de la robe qu'elle voulait, avec les petits détails de dentelle et trucs comme ça. Donc, elle avait déjà tout préparé dans son imagination, le style de robe qu'elle avait mis sur papier avec son petit dessin. Et à partir de là, on est parti sur la création. Les robes de mariée, ça demande pas mal de concentration, tout ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Eh bien oui, elle a mis l'année, elle est venue tous les vendredis, tous les vendredis toute l'année. Et puis, on a assisté au mariage. On n'a pas assisté au mariage, on est juste allé boire un coup. C'est le meilleur moment des fois du mariage. Donc voilà, ouais, on part souvent d'un dessin. Et puis c'est bien de fabriquer soi-même sa robe de mariée, parce que bien souvent il y en a, ils les achètent, ça coûte quelque chose comme 1500, 2000 euros pour une seule journée, que là elle l'a fait elle-même et puis voilà quoi. Ouais, il y a de quoi être fière et tu vois, c'est encore de l'endurance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors moi, quand on me dit couture, moi, je pense toujours au fil qu'on peine à rentrer dans les aiguilles. Tu as beau te mettre en pleine lumière, tu mouilles un peu le fil, ça rentre pas, c'est chiant. Et ben après, sur les machines, ce qui est formidable, c'est qu'il y a l'enfil-fil. Et que du coup, ça aide quand même vachement. Tu appelles ça comme ça, ok. Ouais, l'enfil-fil. Oui, c'est un enfilage automatique, voilà. Un petit mécanisme. Donc ça aide, ça fait rentrer le fil dans le chat. Et puis bah après, par contre, quand on fait... Donc le chat, c'est la partie creuse, le trou pour faire rentrer le fil. Et après, quand on coud à la main, on recoupe, en fait, au mieux le fil. Mais après, oui, on regarde pour, à travers la lumière pour le faire passer. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, ok. Bon, il existe aussi un truc pour manuellement l'enfiler dans la petite aiguille. Ouais, bon, tu passes plus tu de temps. Tu perds du temps, je pense. Ouais, voilà. Il faut juste prendre une aiguille plus grosse. Hein. Si tu galères, tu prends une aiguille plus grosse. C'est ça le problème. Oh, depuis tout à l'heure, je suis en train de me retenir de rigoler parce que tu parlais du chat. Mais qu'est-ce qu'on va mettre une aiguille dans un chat? C'est pour ça que j'ai précisé après. Le pauvre chat. Minou, minou. Est-ce que vous faites aussi de la couture à la main ou c'est exclusivement à la machine vos créations? Eh bien, en fait, ça va dépendre. La couture à la main, c'est pour des points précis. Quand on veut faire des points invisibles ou quand on doit refermer un coussin, une création, voilà. Et généralement, on laisse toujours un trou pour pouvoir retourner notre création. Et le trou, on le referme à la main parce que voilà, c'est... Pour que ce soit invisible, il n'y a pas 36 solutions. Ben, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut les deux. Ouais. Il faut tout le temps utiliser les deux. Est-ce qu'il existe plusieurs types de machines à coudre? Tic-tac, c'était la question. Tic-tac, tic-tac. Alors, en 1800... Non, je déconne. Oui, bien sûr. T'as la machine à coudre, ce qu'on appelle familiale. C'est celle que tu vas trouver à la maison, que tu vas avoir de façon assez commune, que tu trouves partout. Après, tu as les machines à coudre industrielles, c'est-à-dire que celles-là ne se déplacent pas. Et tu as les commandes qui sont au pied. Et puis, tu peux utiliser aussi tes genoux, enfin, il y a plus de manettes. Où là, on va pouvoir passer des plus grosses épaisseurs et être beaucoup plus précise dans le travail. Et puis après, il y en a encore des tas, hein, mais du coup, à l'atelier, on est équipé d'une machine de cordonnier. C'est-à-dire qu'elle a un petit bras déporté qui fait que je peux rentrer à l'intérieur des sacs des choses un peu tarabiscotées ou des angles qui sont pas accessibles avec n'importe quelle machine. Donc ça, c'est une machine qui utilise du fil spécial pour le cuir. Enfin voilà. Donc il y a plein de façons de machines. Il y a des machines pour faire que des ourlets, des machines pour faire ce qu'on appelle du surjet. Donc c'est un truc particulier où il y a 3-4 bobines qui sont à l'arrivée des aiguilles en même temps. Ben voilà, enfin bref, oui, je pense que c'est, il y a autant de machines que de voitures chez un concessionnaire, quoi. Et on est à peu près comme ça, en fait, quand on va regarder des machines. Oui, c'est ça. Tu sais, on fait, ah, tu as déjà vu la Brother S10? Ouais, elle a un super moteur. Là, je mens pas. Non, c'est ça en plus. Hein. Ouais. Quand on veut choisir une machine à coudre, c'est un peu ça, oui. Hormis un chef, c'est quoi un patron? C'est qui le patron? C'est moi! Non, c'est pas vrai. C'est les plans. C'est comme les plans d'une maison qu'aurait fait un architecte, en fait. Hein. Donc, c'est une feuille de papier sur laquelle on a tracé les futures formes qu'on aura besoin en tissu. C'est pas toujours nécessaire, on en a pas forcément besoin pour tout, mais si ça devient un petit peu technique, c'est quand même mieux d'avoir des plans, et on appelle ça un patron. Voilà. Est-ce que vous avez déjà cousu à l'instinct? Oui, mais si... Un peu à chaque fois, hein, de toute façon, il n'y a pas de règles, enfin... Bah, ça dépend ce que t'appelles. Il y a dépend ce qu'on fait, mais il y a des fois, on fait un peu de l'improvisation quand même, hein. On peut partir sur un truc et au final, on s'aperçoit que la matière, elle est plus molle ou plus rigide et du coup, on change la finition. Je ne sais pas, c'est trop épais et du coup, les manches longues, elles deviennent des manches trois quarts parce que ça ne va que comme ça. Ou, donc c'est, là, je te dirais qu'on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, c'est aussi un petit peu une question de feeling. Mais vraiment, prendre un morceau de tissu et y aller, Inch'Allah, on verra bien comment ça fait. Ça, non, c'est rigolo pas. Quand on commence, mais on va le rater, c'est obligé. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie du processus. Je dirais, c'est comme... Je vais faire une comparaison. C'est la première fois que tu as envie de repeindre ta chambre et tu dis, tiens, on y va, on achète un pot de peinture et on y va. Et c'est après que tu t'aperçois que ça aurait été quand même bien d'avoir le bon pinceau, ça aurait été quand même bien de diluer la peinture, de faire une première couche parce que tu avais la flemme, tu voulais pas en faire deux. Puis tu aurais quand même dû mettre du scotch autour de la vitre parce que c'est dégueulasse. Et du coup, bah ouais, tu l'as repeint, quoi. Mais t'es pas peintre encore, hein. Bon, bah voilà, c'est pareil. Si tu vas au feeling, ça va marcher. Tu vas forcément finir par avoir quelque chose à la fin. Bon, je pense qu'il faut même commencer par là. C'est même peut-être constructif de le tester. Et puis après, tu dis, ok, bon, là, maintenant, il faut que je me mette à la méthode. Comme de la pâtisserie, hein. Et qu'est-ce que vous faites le plus en couture? Qu'est-ce que vous fabriquez le plus? Moi, des housses. Des housses pour les canapés. Et puis, c'est ce que je fabrique le plus. Je pose des fermetures éclair. Et c'est ce que je préfère faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fabriques le plus, Charlotte ? Moi, c'était des pochettes. Ouais. Mais après, voilà, j'ai commencé par faire des choses pour les amis, pour la famille. Donc après, en vêtements, j'ai beaucoup fait de robes sweats ou de sweats. Donc là, on rentre dans la période d'hiver. Donc à mon avis, m'en redemander. Ah, c'est cool ça. Mais après, au niveau accessoires, c'est pareil. C'était des tests. Et puis au final, il y a des petites pochettes. Ça fait des petits cadeaux. Sympa. Et puis moi, j'aime bien mélanger ce qui est simili et tissu liège. Et du coup, on peut faire des choses hyper personnalisées. Donc voilà, moi je dirais que c'est les pochettes le plus, et puis les robes sweats. Alors moi j'ai pas vu encore tes robes sweats. Non, mais parce que je les ai pas encore sorties là, quand même, faut pas exagérer. Elle m'a fait une super banane. Voilà, j'ai fait un sac banane, oui. Ça existe encore les bananes ? Eh ben ça revient à la mode en gros format, mais pas porté à la taille, porté à l'épaule, en diagonale, en fait, tu vois. Ouais. Mais ça revient, c'est revenu format, à la mode. En façon sac, façon sac à main, enfin tu vois quoi. Ouais, parce que quand c'est porté à la taille, il manque plus que le short avec les claquettes chaussettes. Et... Non, bah du coup, ça a été remis un peu au goût du jour. Ceci dit, la tongue chaussette. Non, mais c'est vrai, cet été, on n'en a pas vu partout. Il y a un style. C'est vrai. Il faut que ce soit de la belle chaussette blanche avec un petit Nike sur le côté. Bien remonté jusqu'au mollet, là. On n'a pas accroché. On n'est pas parti là-dessus, mais en tout cas, peut-être ils finiront par... Voilà, la banane, si, quand même. Ouais, les bananes carrées en cuir. Qui flop quand tu marches. Tu l'as ? Oui, je vois bien. Je vois bien. Bon, voilà. Donc, on fait pas celle-là. Non. Quand tu me dis claquettes chaussettes, ça me fait penser à Christian Parizeau dans le Camping Paradis qui étend ses grandes chaussettes, ses chaussettes blanches. On est un peu là-dedans, oui. Ouais. Non, là, la banane, revient à la mode, mais différemment. Alors, quelle est la matière la plus facile à coudre ? Le coton, le tout coton, simple, tu vois, la matière, tes draps, le coton de drap, quoi. C'est le plus simple. Et la plus difficile ? Moi, je dirais que c'est le cuir, quand même. Le cuir ou le simili-cuir, parce que... Ça part même pas, quoi. Une fois que t'as fait un trou, tu peux pas recommencer, quoi. Ça glisse pas, c'est... Voilà. Mais après... Après, il y a le viscose quand tu fais des habits, si c'est vraiment un vêtement, enfin un tissu hyper fluide... Ça va être un peu plus... Voilà. Qu'est-ce que t'appelles les viscoses, du coup ? Bah, les tissus tout... Ah oui, ok. Tout fluide, le foulard, quoi. De toute façon, tu mets sur la table, ça glisse de l'autre côté. Donc, pour couper, c'est un peu... Voilà. Mais bon, on y arrive quand même, il y a des astuces. Est-ce qu'il existe plusieurs types de fils ? Alors, oui. Mais je vais laisser Karine répondre. Je sais qu'il en existe plus des différents, mais... Voilà. Est-ce que tu veux vraiment qu'on parte dans la partie technique ? Non, je voulais juste te dire en gros. Si tu veux, t'as le fil commun. Donc, tu vas n'importe où acheter du fil, t'as le fil de base. Si tu ne demandes pas exclusivement un fil très particulier, t'auras le fil de base qui est en polyester. Alors, par exemple, si tu veux savoir la différence entre du fil de coton, on pourrait avoir ça, et du fil polyester, t'as peut-être déjà eu un vêtement qui est un peu fatigué ou qui a des teints et t'as envie de le teinter. T'achètes de la teinture, tu le passes dans la machine à laver et les coutures, le fil de la couture, il reste blanc alors que tout ton suite, il est devenu noir. Souvent, c'est ce qui se passe. Bah, c'est du fil polyester. C'est-à-dire que c'est du plastique, quoi. Donc, ça ne prend pas la teinture. Et c'est la majeure... Enfin, quasiment tout est cousu comme ça. Donc, c'est ce qu'on utilise aussi. Et puis, sinon, tu as le fil de coton qui est, du coup, fait pour autre chose. J'en utilise jamais. Non, parce que c'est moins solide. Mais du coup, si tu fais des trucs qui ont besoin d'être teintés après, ben, ça peut être pratique. Ou ça peut être aussi pour faire de la décoration, peut-être plus de la broderie, des choses comme ça. Moi, c'est des choses que je ne fais pas du tout. Manuel, je parle. Je parle pas de broderie à la machine industrielle. Et puis, tu as le fil qui est prévu pour le cuir, qui est du coup très épais, qui est enduit, qui est comme un peu ciré pour résister dans le temps. Et je sais plus, il y a un nom pour ça, mais c'est comme de la paraffine dessus, mais je ne sais plus parce que je... Voilà. Et puis, tu as aussi le fil qui est fait pour ne pas pourrir, pour ne pas prendre les UV, qui est pour l'extérieur. Ça, c'est vraiment le fil que j'utilise le plus, vu que je travaille sur des produits qui sont comme des camping-cars ou des choses qui vont, je sais pas moi, des parasols ou des canapés qui vont à l'extérieur, hein, de jardin, des choses. J'ai besoin que ça résiste au soleil, à la lune et à la pluie. Donc, j'utilise beaucoup ce fil-là, qui est presque comme plastifié, quoi. Hein, si je vais au plus simple. Et du coup, il est beaucoup plus épais, donc il ne passe pas dans vos machines classiques familiales. Voilà. Il y en a encore plein d'autres, hein, clairement, mais c'est surtout les trois là, quoi. Et s'il y a un défaut sur une de vos créations, est-ce que vous recommencez tout ou est-ce que vous l'achetez? Ça dépend où est le défaut. Ça dépend du défaut. Voilà. Si je dis que c'est Charlotte qui l'a fait. Ah oui, ah d'accord, je comprends mieux comment ça se passe du coup. Voilà, tu comprends. Non, faut refaire. L'avantage en couture, c'est qu'on peut toujours défaire et recommencer. C'est très très rare qu'on soit bloqué sur quelque chose. Bon, après, si on a coupé trop court, on a coupé trop court. Auquel cas, je dirais pas que c'est un défaut, mais plutôt une erreur. Mais et encore, on arrive à trouver des solutions. Et en fait, c'est peut-être ça même que je préfère dans la couture, c'est qu'on est toujours en recherche de solutions tout le temps, en fait. Puisque c'est plus de la recherche de solutions que de la création, vraiment. On est toujours en train de chercher. Ça nous embête quand même de jeter ce qu'on a fait. Donc, on ne jettera pas. Au pire, si vraiment... ça dépend. Si c'est de la création, on va récupérer ce qu'on peut récupérer. Ouais. Et puis, on va refaire autre chose avec, quoi. On ne jette pas. Ce qui fait que, du coup, on n'a pas forcément beaucoup de place parce qu'on garde plein de... On garde tout. ...de trucs, mais... c'est très rare qu'on jette vraiment des petits trucs, quoi, mais... Hormis faire un short, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un jean qu'on ne peut plus porter? Un mini short. Encore plus petit. Un slip de short? Ouais, un string. T'as des gens qui récupèrent le haut du pantalon pour faire des sacs? J'ai vu ça. Aussi. Oui, aussi, ah ouais. Oui, c'est vrai, en jupe. Moi, il m'est arrivé de découper toutes les jambes de plusieurs pantalons pour refaire un patchwork et reconstituer une grande toile, en fait. Rien qu'en morceaux de jean l'un au bout de l'autre et redécouper un nouveau vêtement dedans. Bon, c'est épais, hein, mais ça marche. Mais tu peux tout faire, tu peux l'utiliser vraiment pour tellement de trucs. Après, si tu veux des accessoires, tu recoupes dedans et puis... Ouais. J'ai fait aussi faut découper, quoi. Ouais, des housses de chaise. J'ai retapissé des mousses de chaise avec du jean. En fait, c'est indestructible, donc tu peux le réparer et le raccommoder à l'infini, ce sera toujours chouette. Donc, tu l'utilises pour tout, quoi. Quand tu le fais en sac à main avec le haut, l'avantage, c'est que tu as déjà l'emplacement pour mettre les clés. Ouais, tu as les poches, tu as tout. Exactement. C'est vrai. C'est bien vu. Ouais, ça marche bien. Comment est-ce qu'on peut rafistoler un jean qui est troué, si on veut vraiment le garder? Alors, ça dépend si tu as une machine à coudre ou pas. Ah. Et alors, on peut partir du fait que tu es chez toi, tu n'as pas de machine à coudre et tu as un trou dans ton jean. Eh bien, tu peux aller au supermarché, acheter ce qu'ils appellent la toile collante. Il y a toujours un petit rayon en tête de gondole ou dans un coin où ils vendent quelques fermetures du fil et tout. Eh bien, il y a des petites boîtes de toile collante. Tu rentres chez toi, tu en découpes un morceau, tu le mets au dos à l'intérieur du trou et tu le colles au fer à repasser. Alors, ça fait l'affaire, quelques lavages. Sinon, si tu veux être sûr que ça tienne un peu plus longtemps, tu prends du fil et une aiguille, le fil qui aurait la même couleur que ton pantalon, du bleu ciel ou du bleu foncé. Et une fois que tu as collé cette petite pièce, pour être sûr qu'elle ne se décolle pas au fur et à mesure des lavages, tu vas essayer de faire un petit point tout autour de la pièce. Quelque chose qui soit un petit peu discret. Ou alors tu vas franchement et puis tu fais la décoration que tu veux dessus, quoi. Si c'est à la main, c'est la meilleure façon de réparer un trou. Parce que les jeans trouent pas au genou. Pour les gamins, ça troue au genou, mais pour nous, pas trop. C'est plus les cuisses et surtout l'entrejambe, qui est normal puisque c'est l'usure normale du frottement. Et puis voilà, tu peux le réparer comme ça, ça tient un temps. Et après, sinon, si tu as une machine à coudre, c'est bien de coller la toile collante à l'intérieur et de repasser un coup de machine à coudre dessus. Des allers-retours, quoi, jusqu'à ce que le trou il soit rempli de nouveaux fils bleus. Un raccommodage, comme on appelle ça. Et sinon, si tu sais pas et que tu n'as pas envie de te faire chier, nous, on le fait. Voilà. Nous, on le fait. Et quand on le fait, par contre, on ne met pas de toile collante. On met un petit morceau de jean à l'intérieur. On rapièce avec du jean pour que ça se voit quasiment pas et que la sensation à l'intérieur, directement sur la peau, soit pas désagréable. Je vais peut-être vous en ramener un, parce que j'ai un jean faussement troué. Il y a un petit tissu blanc à l'intérieur. Bon, bien évidemment, il y a un peu le pied qui est passé dedans. Et puis, ma mère, elle a pris un de mes vieux pantalons, et puis elle a voulu recoudre derrière, mais ça tient pas, quoi. Ouais. Et c'est à l'intérieur, donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Nous l'amener. Oui. Parce qu'on Nous, on trouvera, ouais. on trouvera la solution pour le refermer. Alors, j'ai vu sur votre page Facebook que vous... Cousez, non, cook. Ah, tu as utilisé le mot qu'on ne sait jamais comment conjuguer. Le nom qu'il ne faut pas prononcer, un peu comme Voldemort. Est-ce qu'on peut aussi faire de la couture sur le siège d'une chaise, par exemple? C'est un peu mieux, du coup. Eh ben, oui, on peut dire ça. En fait, à partir du moment où tu peux dévisser ce qu'on appelle la galette de la chaise, l'assise, si on peut la dévisser... Tu peux remettre quelque chose, mais c'est pas vraiment de la couture. On est quand même plus proche de la sellerie ou de la tapisserie. Auquel cas, on va devoir non pas utiliser la machine à coudre, mais la graffeuse. Donc c'est plus de la toile tendue, tu vois. Donc moi, j'en fais un petit peu de ça. S'il faut pas remettre de la mousse, mais c'est plus le travail du tapissier. Donc ouais, c'est possible. Voilà, c'est une autre façon d'aborder l'utilisation du textile, plus de la couture. Nous allons faire une deuxième pause musicale avant de continuer de parler de l'atelier malin et de couture. On vous laisse avec Disclosure, avec leur titre You and Me. On se retrouvera juste après sur le 107. You need toujours sur le 107 avec Karine, Charlotte. Alors, on parlait de couture tout à l'heure. Alors, je sais que vous proposez des cours. Donc, je vous laisse nous dire quelques mots là-dessus. Depuis quand est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous proposez pour tous les niveaux? Alors, les cours de couture se passent à l'atelier à Remiremont. Donc, j'ai une salle de cours qui peut accueillir, on va dire, à peu près 5-6 personnes. Donc, c'est toujours en petit groupe. Et moi, je commence à partir de 6 ans, 7 ans, quand les gamins sont capables de tenir, allez, un quart d'heure, une demi-heure concentrés. J'arrive à leur faire faire des petites choses. Jusqu'à, il n'y a pas de limite d'âge, quoi. Et cette année, ça se passe surtout les jeudis, vendredis, samedis, soit en groupe, soit en cours particulier. Et puis j'ai tous les niveaux, donc on peut commencer à partir de rien, zéro, ultra débutant, fin nul, j'ai fin nul. On ne sait pas c'est quoi une machine. Ouais. Voilà. Ouais, on peut venir les mains dans les poches, pas besoin de machine, rien du tout. Tout est à disposition à l'atelier. Et je m'adapte à ce que les personnes ont envie de faire. Donc, je n'impose pas un programme. Si la personne elle a envie de venir en me disant voilà, je suis jeune retraitée, je viens d'avoir des petits-enfants et j'ai envie de faire de la layette pour les petits-enfants, et ben, je vais adapter les cours ultra débutants pour fabriquer ce genre de choses. Ou alors, si c'est des gamins, et ben, on va peut-être fabriquer, je ne sais pas moi, des marionnettes, une couronne pour jouer au roi ou je sais pas quoi. Enfin, je m'adapte en fait à ce que la personne elle a envie de découvrir. Et puis pour les plus confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà une machine à coudre à la maison, qui ont fait un peu de couture mais qui ont peut-être un petit peu de mal à se dépatouiller de la partie technique, c'est-à-dire qu'elles ont fait des choses simples ou qu'elles ont compris et puis elles bloquent quand il faut commencer à faire un col sur une chemise ou que la machine est un peu technique, elles savent pas aller plus loin que la base. Eh bien, il y a les cours du samedi et c'est ce que j'appelle la couture libre. Donc les samedis, elles viennent soit le matin, soit l'après-midi, soit toute la journée pour celles qui ont envie. Et là, du coup, elles font leurs vêtements en entier et moi, je n'interviens que quand ça bloque. Donc elles, je dis elles, j'aimerais bien dire il, elle, mais j'ai très peu d'hommes. Par contre, chez les gamins, j'ai quasiment autant de filles que de garçons chez les petits, parce que y a pas ce côté genré de la couture. Par contre, chez les adultes, ouais, c'est difficile d'avoir des hommes. J'en ai eu quelques-uns, mais c'est difficile pour les cours de couture. Ce qui est dommage, hein, parce qu'on peut faire plein de trucs. Je pense qu'il y a une espèce de fausse idée reçue ou d'image de la femme couturière qui fait des trucs, des napperons pour mettre sur la télé. Enfin, le truc casse-couille, voilà. Mais on peut faire plein de trucs, je pense. Et, enfin, on le sait pas, quoi. C'est juste qu'on le sait pas. Toi aussi, t'as plus de clients ou de clientes? Pour ce qui est réparation, on a autant d'hommes que de femmes, quand même. Mais... après, moi, je donne quelques cours à des enfants, mais voilà, c'est pour l'instant, je sais que c'est plus féminin quand même que que masculin. Quoi. Et pour les enfants, ça doit pas être facile de les laisser se concentrer dessus, parce que ça a un peu tendance à s'éparpiller. Non, parce que ça leur plaît. C'est quelque chose qu'ils ont envie. Et voilà, tout ce qui est de la création et de voir du coup le résultat assez rapidement, ça les motive. Et puis bon, après, voilà, moi j'ai l'habitude, j'ai travaillé 15 ans avec des enfants, donc je sais à peu près quand même comment leur expliquer, etc. Mais voilà, comme c'est pas quelque chose d'imposé, que c'est quelque chose qu'ils ont envie, je trouve qu'ils arrivent quand même à se canaliser. Moi, je trouve qu'ils y arrivent mieux que les adultes débutants, parce qu'ils n'ont pas peur. Souvent, les adultes ont peur de casser la machine, peur de mal faire. En fait, les enfants, ce qu'ils ont envie, c'est d'appuyer sur la pédale et que ça fasse du bruit, et c'est ce qu'on préfère, quoi. Mais les adultes, ils n'osent pas s'avouer ça. Et qu'est-ce qu'ils font le plus, les enfants ou les débutants ou les personnes confirmées? Des lingettes démaquillantes. On rigole parce que c'est vraiment le truc. Je crois que tout le monde commence par faire ça en ce moment, c'est le truc. Tu sais, des lingettes démaquillantes lavables. Oui, oui. Mais c'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple, mais c'est ce qui est... Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ce qu'ils font le plus. Et les gamins, les gamins, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas d'attente, en fait. Ils veulent que la machine, elle marche. Et moi, j'utilise... je ne sais pas, toi, quand tu as des gamins, comment tu fais, mais moi, j'utilise les mêmes machines. Hein. Je ne cherche pas à simplifier le truc. Hein. Non, non, bah, ils ont la... Enfin, ils utilisent soit la mienne, soit si leur maman ont. Mais voilà, on ne prend pas une machine pour... Enfin, il n'y a pas d'intérêt à prendre une machine spéciale pour enfants, en fait. Non, non. De toute façon, on arrive très bien et puis ils apprennent directement dessus. Ouais. Donc, c'est... C'est ça. Voilà, tu vois. Font des capes de super-héros. Ouais, on a fabriqué des épées. Ou alors, des fois, tu vois, justement, tu demandais tout à l'heure dans les jeans, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Eh bien, on récupère un... Si tu récupères un jean assez, assez large, dans les jambes, on fait des mini-jupes. On fait des jupes et puis, tu sais, on tire les fils pour que ça fasse des franges et tout. Et on se fait des petites jupes comme ça avec les filles. Des petits sacs. Ouais. Je crois que le sac, ça marche bien. Et puis, c'est le truc... Voilà, c'est assez simple et il n'y a pas de grosses difficultés sur un sac. Donc, et puis après, elles adorent parce que voilà, à l'école, elles se ramènent avec leur sac. C'est elles qui l'ont fait, quoi. Donc, ça en jette quand c'est toi qui l'as fait. Bah, c'est sûr que c'est toujours mieux que le collier de pâte. Hein. Oui, ça a plus d'utilité, quoi. On va dire ça. Est-ce qu'il faut réserver pour participer à tes cours? Oui, c'est mieux quand même. C'est mieux parce que c'est complet, on va dire une quinzaine de jours à l'avance. Donc, si on réserve, il faut s'attendre à ce qu'il y ait 15 jours, 3 semaines avant d'avoir une date. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans la boucle, c'est bon, quoi. Il y a encore des places pour les débutantes le vendredi matin. Le samedi, il y a toujours des places parce que c'est pas réservé à la, c'est pas hebdomadaire, quoi. C'est celle qui veut, elle vient un samedi, quoi. Donc il y a toujours plus ou moins des places. Par contre, pour les cours qui sont hebdomadaires, le jeudi c'est complet, mais le vendredi matin il y a encore quelques places. Voilà, c'est les débutantes. Et le vendredi après-midi, c'est vraiment les personnes qui sont confirmées. Elles sont déjà là depuis 2-3 ans, donc je crois qu'il reste une place, mais je ne suis pas certaine. Et puis après, il y a les cours particuliers qui ont lieu quand on veut dans la semaine, quand on arrive à trouver un emploi du temps qui correspond entre la cliente et moi. Et l'avantage du cours particulier, je vais un exemple. Tu viens d'acheter une machine et clairement, tu n'as pas envie de lire la notice ou alors c'est du charabia. Et ben, tu prends une ou deux heures et moi, je t'apprends à l'enfiler, comment ça marche, pourquoi là, ça déraille et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Tu as pris tes deux heures, tu sais te servir techniquement de ta machine, tu rentres chez toi, tu utilises tous les tutos YouTube que tu veux pour continuer à faire des petits trucs. Et puis tu reviens dans 6 mois ou même l'année d'après pour dire voilà, maintenant je suis au point, je sais faire des lingettes démaquillantes, je veux faire autre chose. Non mais vraiment, c'est vraiment le truc qui est le plus demandé en ce moment. Et du coup, elle va avoir des questions sur quelque chose d'un cran au-dessus. Eh bien on va peut-être prendre une ou deux heures. On va revoir ce qui manque et elle va retourner coudre chez elle pendant peut-être 2-3 mois et puis revenir. Tu vois, ça peut être très, très ponctuel comme ça. On peut apprendre la couture sans être obligé de venir toutes les semaines pour une progression. Plus on essaye tout seul chez nous, plus on comprend tout ce qui ne va pas, plus on fait d'erreurs et plus on comprend, quoi. On rate plein de trucs, en fait. C'est d'où l'endurance, encore une fois. On coud, mais on découd beaucoup. Tu prends à peu près combien de personnes en moyenne par cours? Parce que je pense que tu ne vas pas prendre 30 personnes. Non, je ne suis pas capable de suivre. En fait. Je ne suis pas capable d'être disponible pour tout le monde. Donc, c'est pas... Voilà. Alors, je prends jusqu'à 6 ou 7 personnes quand on fait tous la même chose. Là, je suis capable de suivre le cours et de donner une formation pertinente. Quand chacun fait quelque chose de différent... Donc, du coup, c'est le samedi et on se limite à 4 personnes. Et par contre, j'ai... c'est vrai que je ne t'en avais pas parlé. On a un partenariat avec la MFR de Saulsure. Donc, moi, je suis bénévole avec les enfants de 4e, 3e pour faire découvrir mon métier puis découvrir comment utiliser une machine à coudre. Donc, j'interviens chez eux. Et du coup, j'ai droit au réfectoire le samedi, qui est à ma disposition si je veux la grande salle, quoi. Donc, de temps en temps, les samedis, je fais des ateliers où je réunis un plus grand nombre de personnes. Et là, on peut être jusqu'à une dizaine. Et on a toute la place pour vraiment coudre des vêtements et être à l'aise. Et c'est des journées entières, on mange ensemble et ça fait comme un stage, voilà. Donc jusqu'à 10, là. Mais alors le soir, moi je suis morte. Hein. Et est-ce que c'est payant de participer à tes cours ou pas? Alors oui, oui, parce que c'est aussi ce qui me fait vivre, et c'est ce qui me fait manger. Donc il y a plusieurs choses, les cours particuliers sont à 16 euros de l'heure, je vais dire les tarifs si c'était là qu'allait vers ta question. Les ateliers libres du samedi sont à 20 euros les 3 heures. Et puis, comme je veux quand même que la couture puisse rester quelque chose d'abordable pour tout le monde, les cours collectifs, les petits groupes qui ont lieu toutes les semaines, sont à 10,50. Donc, ça te fait un... Et t'es pas obligé de venir toutes les semaines. Il faut réserver à l'avance pour me dire quand est-ce que tu viens. Mais ça peut être une fois tous les 15 jours si tu travailles d'équipe. Et moi, je m'arrange pour qu'il y ait une autre personne qui soit en contre-équipe et qu'on ait toujours des groupes assez cohérents. Donc, c'est 10,50 pour le cours. Ce qui finalement est à peu près les tarifs d'un loisir classique, quoi. Je veux pas que ça soit un loisir réservé à une certaine tranche de la population qui pourrait se payer ça, quoi. Voilà. J'essaye. Est-ce que tu co-animes les cours, toi, Charlotte, ou pas? Alors, pour l'instant, non. C'est pas exclu, mais pour l'instant, non. Après, voilà, pour l'instant, quand il y a des cours individuels, voilà, moi, je suis là, mais j'interviens pas. Mais après, c'est vrai que le fait d'être les deux a permis qu'on ait un emploi du temps, qu'on ne soit pas toujours là toutes les deux. Donc, moi, sur la fin de semaine, je ne suis pas là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore assisté ou co-animé quand il y a des groupes. La fin de semaine. Ouais. Oui, oui, quand il y a des groupes, je vire Charlotte pour prendre toute la place. Donc, voilà, pour l'instant, non. Parce que toi, Charlotte, en fin de semaine... Oui, moi, en fin de semaine, en fait, le jeudi après-midi et le samedi matin, je suis chez le cordonnier de Vanier, à l'atelier G1, où on peut m'amener, du coup, les retouches, les réparations, voir s'il y a des créations. Et je me laisse le vendredi pour pouvoir faire les travaux de couture que j'ai. Donc, pour l'instant, voilà, c'est cette organisation-là. Du lundi au jeudi midi, je suis... à l'atelier avec chez moi, Karine, ouais. Et puis à la fin de semaine, je suis plus vers Vanier. Avant de conclure cette émission en parlant de votre actualité, on vous laisse avec Metallica, avec Nothing Else Matter. Ah, c'est un peu mieux mon accent anglais là, au fil de cette émission. On se retrouvera juste après sur le 107. Thank you. desires, we live it our way. All these words I don't just see. Nous sommes de retour une dernière fois sur les ondes de RGM avec Karine et Charlotte après avoir écouté un des slows les plus pratiqués depuis des années. Une des plus grandes chansons d'amour, je crois. Je suis pas trop métal, mais cette musique était assez douce de Metallica, donc ça passe. Oui, parce que quand c'était le choix à faire, c'était un extrême ou l'autre, donc on a tranché pour du plus doux. Que ouais. On a quand même hésité avec AC/DC et puis oui, finalement voilà. On est parti sur... Le slow du officiel du roulage de pelle à deux. J'avais une petite question à moi que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez dans le silence ou vous aimez bien mettre la musique à fond ? On reçoit des clients quand même, donc on ne va pas mettre la musique à fond parce que la musique est censée être juste pour nous dans l'atelier. Sinon, ça veut dire qu'il faut payer la SACEM si c'est une ambiance de magasin. Donc là, c'est que pour nous. J'avoue que quand je suis toute seule, je mets mes écouteurs parce que en plus ça baisse le bruit des machines, comme ça je préfère. Mais quand on est deux, on partage les mêmes musiques ou des podcasts. Bon, voilà, pas de musique à fond. Et le silence, on ne l'a pas, quoi. Puis non. Là où je suis installée maintenant, il n'y a pas de silence. Hein. C'est bruyant comme coin de la ville. Hein. Je suis passée de la rue des médecins, où il y avait vraiment très peu de bruit, à un gros croisement et deux écoles. Donc, c'est fini, il n'y a plus de silence. Et c'est quoi l'actualité de l'atelier Malin ? Qu'est-ce que vous avez prévu ces prochaines semaines et ces prochains mois ? On est quoi là ? On est au mois de septembre, donc c'était la rentrée. Mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai prévu ? Bon, ça va être un petit peu la... on va pas dire la routine, mais c'était la grosse rentrée de septembre. Donc là, octobre, on s'installe et on continue sur la même lancée. Novembre aussi, je ferme pas pendant les vacances de la Toussaint. Et puis après, généralement, arrivé vers Noël, il y a des demandes très particulières pour les fêtes, des vêtements un petit peu particuliers à retoucher, à travailler. Et puis après, on prend les vacances. Donc là, Là, il y a pas d'actu spécialement. C'est la grosse lancée a été faite en septembre et puis ça fait octobre, novembre, décembre. Et après en janvier, je sais pas, je vais voir. Mais ça va être surtout les stages avec les journées entières à la maison familiale rurale de Saulxures. Et toi, je sais que si. Oui. Alors bah moi du coup bon c'est quand même la mise en route, hein, donc on va prendre un peu. Son train quotidien. Mais quand même, pour décembre, normalement, je suis au marché de Noël qui se passe au magasin vert à Armiremont. Donc là, il faut que je produise ce que je vais vendre au marché de Noël. Donc voilà, j'ai quelques commandes, quelques demandes de mon côté. Et puis, ça, c'est ma grosse préparation pour la fin de l'année. Mmh. Et puis Charlotte, en fait, elle a une machine pour inscrire et, comment on dit, je ne sais plus, mais tu colles... C'est du flocage, voilà. En fait. Je personnalise en plus les créations, donc avec les prénoms, avec des logos. Avec des phrases marrantes. Moi, j'ai un t-shirt. Je veux un t-shirt où dessus, il y a écrit « je m'en fous du prince, je veux juste le cheval ». Voilà. Donc on va faire, voilà. Il y a cette activité-là à côté qui marche bien. C'est vrai que du coup, ça fait vraiment des créations. On peut écrire hyper, ce qu'on veut. Voilà, hyper personnalisées, des citations, des... Voilà. Ça peut être chouette. Un petit « je peux pas, j'ai couture ». Ouais, je l'ai fait ça sur des sacs. Mais ouais. Ouais, classique. Oui, c'est vrai, ça peut être mais assez classique. Ouais, on peut, je peux essayer de faire tout ce que je veux parce que de toute façon, c'est sur l'ordinateur. Donc voilà, ça laisse une liberté et puis... Après, ça se met sur tout support, que ce soit textile ou non. Mais sur textile, oui, ça se fait. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est « je peux pas, j'ai aquaponé ». Les poneys ne vont pas sous l'eau. Bah, c'est ça. Je n'ai jamais compris ce qu'on sait au cas où. Non, mais c'est chouette. Je trouve ça chouette comme truc. C'est quoi vos futurs projets avec l'atelier Malin ou hors de l'atelier ? En dehors de l'atelier, vivre bien, tranquillement, sans emmerdement. C'est pas mal. Bah moi, mon gros projet, c'était lancer mon entreprise. Donc voilà, hein, on va déjà essayer que ça fonctionne bien avant de relancer un autre projet. Je pense que déjà celui-là va me prendre pas mal de temps. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, il y a une page pour l'atelier Malin. Mais je vous conseille plutôt de venir directement sur mon nom, parce que c'est quand même plus facile pour communiquer. Donc, c'est Karine Lantangre sur Facebook. Et puis, sur Instagram, c'est couture tiré du bas, Remiremont. et puis, Charlotte, toi aussi. Alors, moi, j'ai ma page Facebook, donc « By Nayotte ». Oui, c'est pas Charlotte, c'est Nayotte. Et sur Instagram, c'est by-du-bas Nayotte. Voilà. Ouais, après, à peu près. De toute façon, vous retrouvez la même chose, moi, sur Insta et sur Facebook. Ouais. Mais, C'est complémentaire, mais du coup, on peut facilement nous avoir sur les deux messageries-là. Et puis, sinon, de toute façon, dès l'instant qu'on tape Couture Remiremont, on tombe forcément à un moment donné sur. Sur moi, et s'il y a besoin de questions pour Charlotte, je transmets. Oui, et puis après, moi, si on tape couture vanier, généralement, normalement, je suis répertoriée aussi. Avec cool. Numéro de téléphone et adresse mail. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toutes les deux ? Un bon appétit. C'est l'heure. Qu'on n'ait pas trop d'embûches. Disons qu'on arrive à les surmonter facilement, parce qu'il y a toujours des emmerdements à gauche, à droite. Mais... qu'il soit pas trop costaud, quoi. Un peu de répit, parce que j'ai quand même eu pas mal de projets et de choses qui m'ont demandé énormément d'énergie. Alors là, moi, juste un peu de répit, que ça roule. Bah moi, que cette entreprise prospère et fonctionne et se développe. Voilà, ce sera déjà pas mal. Vous souhaitez pas de licorne, d'arc-en-ciel, de la joie, du bonheur ? Un peu de paillettes au pire, mais c'est tout. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Oui, moi, j'aime bien les paillettes. Ouais, voilà. Mais on n'est pas obligé de prendre Kevin. Voilà. Non, pas non. Kevin, je veux juste un peu de paillettes. On peut se payer un kebab toute seule, on n'a pas besoin de Kevin. On est indépendante. Voilà, je suis assez autonome. C'est aussi. Ça. Donc, désolée pour tous les Kevin qui nous écoutent. On n'ira pas au kebab avec les paillettes. Ouais. On ira chercher nos paillettes toutes seules aussi en même temps. Et... enfin, voilà. Non, mais je sais plus ce que tu voulais dire, mais voilà. Juste qu'on continue à se marrer et puis là, du coup, qu'on se marre toutes les deux. Bah, super. Bah, cette émission est maintenant terminée. Karine et Charlotte, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. De nous avoir invités. C'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Qu'on rigole encore un peu. Avec plaisir. Ouais. On pourra parler d'autres choses. Il y a tellement de sujets abordés. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde. 107.0 RGM. Radio Gemozo. Ta radio locale préférée.